l'arbre, le bouleau. Le bouleau naît d'une graine emportée par le vent ou par un oiseau. Parmi tous les arbres de la forêt, le bouleau se distingue par le simple fait qu'il porte une lumière douce. Dans ma mythologie personnelle, le bouleau est le symbole de la nordicité et de la biodiversité. Bien sûr, en Abitibi, les forêts sont faites de pins, sapins et épinettes noires, et partout, elles sont parsemées de beaux bosquets de bouleaux. Lorsque tous les résineux peinent à rester debout dans la toundra boréale, le bouleau reste solidement ancré au sol. Lorsque je peins un bouleau, je me demande combien de temps encore l'homme et l'arbre pourront rester debout ensemble à se regarder grandir. Peindre un bouleau, ce n'est pas en reproduire exactement l'image. Je ne tente pas de le représenter. Je le présente au-delà des concepts de figuration et d'abstraction. J'essaie de lui donner une présence. Peindre un bouleau exactement tel qu'il est ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de peindre mon bouleau, de lui faire parler mon langage poétique. Le poète peint avec des mots. Le peintre parle avec des couleurs et des formes. Étymologiquement, le mot poésie signifie créer, sortir du néant, et non pas représenter ce qui est tel qu'il est. Représenter le réel, le visible, ne me fait pas vibrer. J'essaye de faire en sorte que mes bouleaux portent un rêve. L'expression artistique n'est en rien une représentation de la nature ou du monde extérieur de l'artiste, mais plutôt une manière multiple de mettre le monde au monde, de le réinventer, d'en signifier intensément la présence, et ce faisant, se mettre soi-même au monde, accoucher de l'essence de son être. Les 9 tableaux de mon polyptyque intitulé « Bouleau » portant le rêve de Val d'Or, ma ville natale, sont un exemple de la voie longue. L'intention ici est de faire en sorte que, tout en étant indépendants et se suffisant à eux-mêmes, chacun des 9 tableaux est relié aux autres par ses embranchements, constituant ainsi une forêt boréale. Les règles appliquées à chacune des parties sont les mêmes que celles appliquées au tout. Bref, les 9 tableaux constituent une seule toile. Visuellement, cette unité est assurée par le fait que chacun des tableaux est connecté aux autres tableaux, le ou les bouleaux d'un tableau se continuant dans celui de gauche et ou de droite. D'autre part, ces bouleaux semblent ne pas avoir un sol ou s'enraciner et sortent du cadre. En rêve, mes bouleaux sont enracinés dans l'infini. Enracinés autant au sol que dans le ciel. Ici, les bouleaux sont au bout de leur dimension verticale. J'ai prévu cette part de l'imaginaire longtemps avant de peindre les bouleaux. Ils n'ont pas de branches, ils sont tenus dans l'espace, ils sont au bout dans leur dénuement. Ce qui les habille, c'est l'espace qui les entoure. Dans ce polyptyque, j'ai pensé avoir recours aux spirales de différents formats obéissant à la loi de la croissance exponentielle des fractales. Comme la fractalisation de l'espace est l'art de gérer la complexité des formes, j'ai multiplié à l'infini les spirales de manière à rendre tout l'espace rotatif. Cette dimension cinétique ne pouvant apparaître que dans la multiplication d'un très grand nombre d'éléments formels, points, hémicycles, cercles ou spirales, crée un contraste flagrant avec le dénuement des bouleaux apparemment statiques. D'autre part, les couleurs qui tournent et font tourner l'espace sont elles-mêmes en contraste avec le fond uniforme. Ainsi, On ne sait si les formes rentrent dans le tableau ou bien en sortent. Cet effet est créé essentiellement par les fractales, concept mathématique utilisé pour mesurer l'infiniment petit et l'infiniment grand. Au début, je peignais les boulots en blanc écru et en noir carbone. Dans le polyptyque, les boulots, j'ai peint des boulots en remplaçant le blanc écru par des couleurs transparentes et iridescentes. L'acrylique iridescent a cette faculté de produire une lumière interne qui met automatiquement la forme en relief. Et si ce relief est déjà amplifié, alors la lumière iridescente qui en émane, selon l'angle de vision, en fera ressortir les ombres et les profondeurs. Lorsque je peignais mes premiers tableaux, je voulais mettre en valeur la verticalité, la vie, le fait que les arbres se tiennent debout. Peu à peu, conscient des coupes à blanc et de la déforestation, je me suis mis à leur donner une intention, un message. De plus en plus d'arbres tombent dans mes tableaux et beaucoup saignent dans leur horizontalité. Comme tout ce qui vit sur cette planète, ceux qui sont à l'oblique sont entre la vie et la mort. Bien que l'eau ne semble pas faire partie du grand polyptyque, elle est pourtant là de manière très subtile. L'eau est en quelque sorte suspendue dans l'air. Les points au centre des spirales sont en fait des gouttes d'eau ou des molécules H2O. Autre détail important, les boulots du polyptyque sont peints en or. Bien sûr, ces boulots sont vraiment ceux qui entourent ma ville natale, Val-d'Or.